Émission hors série, histoire 3. Bonjour et bienvenue à cette émission hors-série de notre podcast. Christian Martin au microphone. Nous retournons aujourd'hui à Saint-Camille, dans les cantons de l'Est au Québec, où sont nés mon grand-père et mon arrière-grand-père Martin. Je ne sais que peu de choses de mon arrière-grand-père Martin, celui-ci étant décédé en 1933. Baptisé François, tout le monde l'appelait Francis après un séjour aux États-Unis. Enfin, je dis que j'en connais peu, mais il a tout de même laissé sa trace dans divers documents. Une trace que mes recherches généalogiques m'ont révélée. Ainsi, François est né à Saint-Camille le 19 septembre 1856. Il a été baptisé à Watton, un village voisin, deux jours plus tard. En mai 1858, la famille est à Valleyfield, possiblement chez la grand-mère maternelle, pour la naissance de sa sœur Rachel. La petite famille est de retour à Saint-Camille lors de la naissance de son frère Louis en septembre 1860. Et à Saint-Camille, elle demeurera jusqu'en 1870, puisque son frère Cyprien naît aux États-Unis. Toutefois, dès l'année suivante, la famille est de retour au Québec, mais s'installe à Amesud, autre hameau voisin de Saint-Camille. Elle y reste un certain temps, pendant lequel il y a certains ennuis financiers, et où le frère aîné de François, Toussaint, se marie. Puis, lors du recensement de 1881, la famille, sauf Toussaint, vit de nouveau à Saint-Camille. Le 18 juin 1883, à l'âge de 26 ans, François épouse Hélios Bonhomme à Saint-Camille. Ensemble, à Saint-Camille, ils ont de nombreux enfants, qui meurent presque tous en bas âge, sauf deux. Là, à Saint-Camille, François achète et vend des lopins de terre et, à première vue, jusqu'en 1910, la petite famille semble vivre une vie relativement tranquille. Mais leur fils, Fernand, mon grand-père, prévoit de se marier. Aussi, François décide de lui vendre ses terres pour 2 500 $ et de partir travailler, comme tisserand, dans les shops des États-Unis, avec sa femme et sa fille. Il n'y reste pas longtemps cependant, car Hélios est malade. Le 4 septembre 1911, François rachète de son fils la moitié des terres qu'il lui avait vendues pour 1 000 $. Le 16 novembre, Hélios meurt à Saint-Camille. Elle a 50 ans. 4 ans plus tard, François vend son lot pour 1 800 $. Il s'écoule quelques mois où il n'est pas propriétaire. Puis, le 21 février 1917, il achète de son fils le reste des terres qu'il lui avait vendues en 1910. C'est que l'épouse de Fernand ne va pas bien. Au point qu'elle décède le 10 mai 1917 à Saint-Camille. Le 12 juin 1918, François revend ce lot du rang 4 de Saint-Camille. Par la suite, il ne sera plus propriétaire, Saint-Camille. Les éditions de l'Avenir présentent La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, curé. Édité à Montréal en 1908. Chapitre 7. Le conseil municipal. Les paroisses de la province de Québec ont une double organisation qui donne à chacune d'elles un gouvernement civil et religieux. Elles sont établies d'une manière stable, les intérêts de chacun sont sauvegardés. L'ordre et la justice y règnent autant que possible. Grâce à ce système d'organisation et d'administration des affaires, ces paroisses se développent rapidement, progressent et se maintiennent. Ces deux gouvernements ne sont ni autocrates ni autoritaires, mais plutôt républicains. Ils se composent de paroissiens influents, élus par la paroisse, en tout soumis aux lois de l'Église et de l'État. Le premier s'occupe des affaires rurales et commerciales de la paroisse. On l'appelle conseil municipal. Le maire en est le président. L'autre gère les affaires matérielles nécessitées par le culte. Le curé de droit est président des assemblées. Ceux qui le composent se nomment fabriciens. Presque toujours, du choix de ces hommes, dépendent la bonne gestion des affaires, le progrès et l'avancement des paroisses. Les bons hommes édifient les bonnes sociétés et les bons gouvernements. Saint-Camille a presque toujours joui de ses avantages. Ses fabriciens et ses conseillers municipaux ont été administrateurs. Ils ont eu peur de payer pour les édifices publics. En tout temps, ils auraient préféré la bourse du gouvernement provincial à la leur quand il s'est agi d'amélioration civile et celle de la fabrique pour les édifices religieux. Aussi, ne mérite-t-il pas les reproches que l'on adresse généralement à d'autres paroisses. « Vous vous êtes ruiné à bâtir votre belle église. » 1880. La première séance du conseil eut lieu en janvier 1860. Les premiers conseillers, très probablement, furent messieurs Fabien Moreau, maire, Georges Larveau, Louis Huppé, Jean-Baptiste Godbout, L. Belle-Rose, Fabien Millette, Joseph Côté, etc. Secrétaire trésorier, monsieur Zoël Miquelon. Les archives de la municipalité de Saint-Camille commencent en 1880. Livres, cahiers, registres portant une date antérieure sont introuvables. Aucun compte, aucun reçu de compte, aucune résolution, aucun rapport d'assemblée, aucun procès verbal d'élection ne sont enregistrés. Rien de ce qui touche aux délibérations, aux réunions du conseil municipal et des écoles, au rôle d'évaluation, n'a été couché sur le papier de manière à être conservé. Aussi, les noms des conseillers et des commissaires élus avant 1880, les dates précises, les surplus, les déficits des comptes sont livrés à la mémoire des hommes. On se rappelle à peine le nom du premier maire. N'était-il pas temps de relever le passé et d'y intéresser les anciens pour en conserver quelque chose et l'empêcher de s'enfouir à jamais dans l'oubli? Voici la liste des maires. Messieurs Fabien Moreau, 1860 à 61. Fabien Millette, 1861 à 1870. Zoël Cyr Miquelon, 1867 à 1873. Théotime Manceau, 1874 à 1875. Ovide Duro, 1875 à 1886. Joseph Couture, 1887 à 1888. Ovide Duro, 1888 à 1895. J.H. Crépeau, 1896 à 1907. Principaux détails au sujet de la municipalité. La voirie. La voirie est la principale attribution d'une municipalité. Les cultivateurs de la paroisse de Saint-Camille sont remarquables pour la bonne entente qui règne à ce sujet. Les nouvelles méthodes que l'on adopte sont mises en vigueur avec un ensemble admirable. Ainsi, pour l'entretien des chemins, cette municipalité est divisée en 11 arrondissements. À la tête de chacun d'eux est placé un inspecteur. Ses pouvoirs correspondent au devoir qu'il a d'entretenir la route d'une manière irréprochable. L'inspecteur présente ses comptes au conseil, qui les discute, les approuve et les paie. Présentement, le conseil possède une machine à chemin pour l'été. Chaque division a une charrue pour les chemins d'hiver. Ces différentes machines à chemin représentent pour le conseil un déboursé de plus de 400 $. Protégées contre les intempéries par des abris spéciaux, elles devront être très durables. L'industrie laitière. L'exploitation agricole est faite en vue de l'industrie laitière. À l'automne de 1891, il y eut un travail immense en faveur de cette industrie. Une grande beurrerie fut construite par une société de 60 actionnaires, paroissiens de Saint-Camille. Elle fut mise en exploitation au printemps de 1892. Les patrons, de cette année, obtinrent un bon rendement. Ce succès contribua à doubler chez les cultivateurs les troupeaux et surtout le nombre de vaches laitières. Les améliorations de toutes espèces changèrent l'aspect de la paroisse en peu d'années, mais la culture des grains n'était plus qu'une affaire secondaire. On avait trouvé le moyen de bien vivre sans faire de la culture ardue. Les cultivateurs consacraient une partie des revenus de la beurrerie à acheter le grain pour les bestiaux. Aujourd'hui, deux beurreries bien aménagées fonctionnent à la satisfaction de ceux qui les patronisent. Deux excellentes fromageries rivalisent avec les précédentes fabriques pour livrer au marché un article de premier choix. En 1902, la fabrique du village, tenue par M. Jean-Baptiste L'Étoile, a produit 74 000 livres de beurre. Les prix rémunérateurs obtenus de la vente de ces produits contribuèrent à la prospérité des paroissiens. Le cercle agricole. Le projet de fonder un cercle agricole fut d'abord combattu par quelques membres de la Société d'agriculture. Mais, sur les instances et les démarches du nouveau curé, 80 paroissiens s'enrôlèrent et le cercle fut fondé en l'hiver de 1893. Contrairement à ce que prévoyaient les opposants, ce cercle donna de l'essor et de l'avancement aux choses de l'agriculture. Le très grand nombre des paroissiens et même les membres de la Société d'agriculture en font partie, et tous sont heureux de jouir des octrois donnés par le gouvernement et des multiples avantages que procure cette association agricole. Le commerce du bois. Le commerce du bois a joué un grand rôle dans l'avancement et les progrès de la paroisse. Personne, plus que M. Napoléon Lemay, y contribua. Pendant les récents hivers, il a été la providence des cultivateurs. Des terres boisées comme celle de Saint-Camille valent mieux que les terrains miniers ou purement agricoles. Leur rendement est double. Les cultivateurs y font deux récoltes, l'une l'été et l'autre l'hiver, et la dernière est grandement appréciée. Des milliers de cordes d'écorce de pruche et de bois de pulpe sont vendus aux commerçants à Dodwell chaque année. Des milliers de pieds de bois préparés par nos propriétaires de moulins, messieurs Lemay, Isidore Lapointe, Dawson, sont achetés par les commerçants de Sherbrooke et des États-Unis. Propriétaire d'une série bien organisée et faisant industrie dans le village, M. Lemay est entré difficilement dans la voie du progrès. Fils de Julien Lemay et de Marguerite Croteau, il est né à Warwick le 18 juin 1847. Après 8 mois d'apprentissage chez M. Léon Garneau, charron d'Arthabasca, il alla de boutique en boutique. M. Pierre Lafeuillade l'adopta tout petit enfant. À l'école, qu'il n'avait pas suffisamment fréquenté, il apprit un peu de lecture et d'écriture. Il ne perdit rien de ses utiles connaissances. À l'âge de 18 ans, il s'établit charron à Saint-Camille. À 20 ans, il prit pour épouse Lumina Miquelon. Sont issus de ce mariage 3 garçons et 6 filles. Son épouse décéda et quelques années après, il convola de nouveau avec Dina Villebrun, dont il eut 5 enfants. Ce métier de charron qu'il exerça pendant 3 ans ne répondait ni à ses goûts ni à ses aspirations. Il essaya d'ouvrir une fabrique de châssis et de portes avec un cheval pour moteur. L'entreprise réussit et lui permit après 2 ans de changer le cheval pour une machine à vapeur. Appelé par M. Évangéliste Plamondon, architecte et entrepreneur, à se transporter à Watton avec tout son outillage, il coopéra peu de temps à ces grandes entreprises. La société fut dissoute après 10 mois. Napoléon reçut $50 et revint à sa fabrication de portes et de châssis de Saint-Camille. Parvenu en 2 ans à faire quelques épargnes, il installa une grande boutique à 2 étages. Une cironde et plusieurs machines à bois y furent placées. Tous les ans, la plus grande quantité de bois fut achetée. Tout alla si bien pendant quelques années que l'homme de progrès et d'énergie s'aventura dans une nouvelle entreprise. À titre de reconnaissance pour l'encouragement que lui donnait la paroisse, il résolut en 1896 d'éclairer à l'électricité les rues et les maisons du village de Saint-Camille. Mais le sacrifice que demandait cette innovation était trop grand pour être supporté plus de 3 ans par le seul propriétaire du moulin. L'électricité cessa avec l'incendie de 1898. Le moulin fut relevé de ses ruines et le dynamo ne sert plus qu'à éclairer le moulin. Chapitre 8. Les incendies. Mon journal. 24 avril 1904. Il y a bien des épreuves dans la vie. Chacun en a, bon gré mal gré, sa large part. Personne ne peut dire « à moi les petites et à vous les grandes ». Nous n'en avons pas le choix. Les parts sont décidées. Et n'en déplaise à votre prudence qui conduit avec sûreté le char de vos affaires, l'imprévu saura vous en mettre sur le dos. Les accidents corporels sont presque inévitables, et les incendies ne le sont pas moins. C'est au moment où vous dormez le plus profondément du sommeil de la sécurité que vos voisins surexcités accourent et vous crient « Vous brûlez ! Votre grange est en feu ! Votre maison flambe !» Et, sans que vous n'ayez rien pu contre l'élément destructeur qui vous dévore, vous êtes dépouillé, sans abri, et à la belle étoile. Voir se consumer en un instant tout son avoir, perdre même une partie de ce qui a été amassé à grande peine, c'est triste, c'est pénible. Le cœur s'émeut et souffre avec raison. On peut dire sans exagération que depuis 12 ans, la paroi de Saint-Camille brûle à petit feu, c'est-à-dire que nous avons eu de fréquentes conflagrations. Plus de 15 propriétaires en ont été victimes. Les pertes subies sont plus ou moins considérables. Les causes de ces incendies sont différentes et variées. Vers la fin du mois d'août 1892, M. Zéphirin Godbout célébrait les noces d'une de ses filles. Au moment où les réjouissances prenaient fin, il perdit sa récolte de foin et sa grange. Le feu y prit au milieu de la nuit, après le départ des invités. Plusieurs mois après, M. Alexandre Boisclair vit son ménage et sa maison incendiés. Les années suivantes, par intervalle d'un an à peu près, la foudre éclata sur les granges de Messieurs Jérôme Longval, Zoël Duplessis, Hormidas Bachan et Hormidas No. Elles furent toutes réduites en cendres. Au printemps de 1898, le ciel nous préparait d'autres épreuves beaucoup plus grandes auxquelles la paroisse était doublement soumise. Les nuages étaient sans pluie depuis 3 semaines. Le vent du midi soufflait sous les ardeurs de soleil brûlant. Vers 10 heures du matin, une flamèche de feu sortit du tuyau du moulin de M. Napoléon Lemay et piqua dans les ripes accumulées sous la couverture. Au dehors, les ouvriers travaillaient à l'agrandissement de la beurrerie qui n'était qu'à une distance de 10 pieds. On ne s'aperçut du feu que lorsque la flamme sut fait une ouverture immense dans le toit. Ce fut un tollé général, mais hors la glacière de la beurrerie, tout y passa. Il ne resta du moulin et de la beurrerie que des cendres. Pourquoi le feu poussé par le vent n'a-t-il pas parcouru toute la file de maisons qui formait le village? Nous le demandons encore. Mais les prières, les supplications, les lamentations partaient du cœur. Dieu ne les méprisa pas sans doute, et le village fut sauvé de sa perte totale. La paroisse fut unanime à remettre en opération sous le plus court délai, et la beurrerie et le moulin. Cette fois, elle se mit à l'œuvre en se promettant de construire à l'épreuve du feu. Peu après, M. Esdras Chartier achetait un cruchon de pétrole et le plaçait près du poêle en arrivant de la messe le dimanche. L'explosion se produisit, et la maison fut incendiée en un clin d'œil. Ces petits désastres ont contribué à exciter la charité et le dévouement des paroissiens. Après chaque incendie, on a vu s'élever sur les ruines du feu des constructions meilleures et plus élégantes. Plaise à Dieu que dans les épreuves, on sache toujours dire comme le saint homme Job, « Vous m'aviez tout donné, ô mon Dieu !» Vous m'avez tout ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. La souffrance est bonne et nécessaire. Elle fait réfléchir et ramène à Dieu. Ceux qui souffrent en chrétien lèvent vers Dieu des mains suppliantes et lui disent « Mon Dieu, ce n'est pas trop souffrir. Je l'ai mérité. Je déplore mes oublis et mes égarements. J'ai foi en vous. J'espère en vous seul. » La résignation ainsi entendue est parfaite. Elle chasse du cœur les amertumes de la souffrance et soutient en attendant que Dieu vienne en aide, ce qui ne manque jamais. 25 avril 1904. Hier encore, à 10 heures du soir, Un bruit insolite parvint à mes oreilles. J'entendis sur les trottoirs des pas précipités et au même instant retentit à nos portes le cri sinistre. « Au feu! Au feu! » En un instant, le village fut sur pied et l'on se dirigea vers l'église d'où l'on voyait les flammes se projeter et mettre le temple dans un demi-jour. La colonne de fumée épaisse qui s'élevait en face du clocher fit croire à plusieurs que l'église était en feu. Le sifflet du moulin à scie remplit déjà l'air de ses cris aigus. La cloche de l'église sonne pour annoncer au loin le danger qui menace et réunir sur les lieux toute la paroisse. Dès son début, l'incendie parut incontrôlable. Le feu avait originé dans l'écurie de M. Zacharie Manceau et les flammes, en un instant, s'élevèrent au-dessus du toit de la maison. Le vent manquait d'abord pour activer les flammes. Le sol était humide, la neige venait à peine de disparaître. Il était tombé depuis midi une pluie fine et légère, les dalles et les couvertures des maisons étaient humectées. Rien, à l'extérieur, ne pouvait favoriser l'incendie. Mais il n'y avait aucun moyen de le combattre. L'activité la plus grande a été déployée dans le sauvetage, et c'est grâce au dévouement d'un grand nombre de paroissiens que la maison et le magasin de M. J.H. Crépeau ont échappé à l'incendie. Tous les efforts devinrent inutiles dès que le vent s'éleva. Le feu commença à gronder comme une bête fauve qui saisit sa proie. Les flammes s'étendirent avec fureur, la chaleur devint intense. Le feu s'attacha aux maisons voisines. On leur avait dit, poussé par une main invisible, il brûlait ce qu'il voulait. En moins de 3 heures, nous avions sous les yeux un brasier immense dans lequel furent englouties la grange de M. J.H. Crépeau, les maisons, les chèdes et les écuries de messieurs Z. Manceau, Joseph Couture et Dr. Thibault. Ruines et décombres d'où s'échappe encore un peu de fumée, voilà ce qui s'offre à la vue ce matin. L'ameublement des maisons et presque toute la lingerie sauvée des flammes, chaises, tables, lits, châssis, portes, voitures, etc., sont entassées, pêle-mêle, sur le parterre de l'église et du presbytère. Ces maisons et leurs dépendances, très rapprochées les unes des autres, avaient leur site en face du terrain de l'église. Ils étaient les plus fréquentés de la paroisse. M. Couture tenait une boutique de voitures en réparation. Il recevait les voyageurs et les logeait. Ses assurances ne s'élevaient qu'à 450 $. Il décida de reconstruire sans délai. Il fit acquisition de l'emplacement de M. Z. Manceau en lui payant 400 $. Il rebâtit sur ses ruines. Le magasin de M. Z. Manceau était le rendez-vous de la jeunesse, des badins et des esprits forts du village et de la paroisse, comme c'est d'ailleurs un peu partout. Il faisait avec avantage le commerce de bœufs, et ses ventes de marchandises à commission lui rapportaient de bons profits. Ses assurances de bassiste étaient de 1 300 $. Il en eut 1 200 $. Il prit quelques jours pour se placer avantageusement. Il acheta la propriété de M. François Martin pour 1 500 $. M. le docteur A. Thibault prenait sa clientèle dans Saint-Camille, Amsud et Dodwell. Il était secrétaire des directeurs de la beurrie, des membres du conseil et des commissions des écoles. Il s'installa au premier étage de la salle publique et y demeura jusqu'en juillet, où il décida de se fixer à Watton. Ses amis firent des instances pour empêcher son départ, mais sa décision était prise. M. Antonio Pelletier, un jeune médecin, vint prendre sa place immédiatement et jouir de sa clientèle. Il épousa en novembre 1904 Mademoiselle Florina Champagne de Hall. 2 novembre 1903. Il nous faut ajouter au chapitre des incendies ceux du mois dernier. Les deux plus vieilles maisons de la paroisse, celle de M. Noël Paris et celle de M. Samuel Ménard, ont disparu, comme par enchantement, au milieu des flammes. La dernière victime fut M. François-Xavier Bachanel. Sa maison prit feu au milieu de la nuit. Tout secours fut inutile pour contrôler l'élément destructeur. On ne put même sauver que très peu de lingerie et d'ameublement. Quel triste jour que celui où l'on voit disparaître en un clin d'œil le fruit de ses peines et de ses labeurs. Chapitre 9. Les écoles. Le 22 juillet 1861, le territoire de Saint-Camille était séparé de Watton pour fin scolaire. Les premiers commissaires furent M. Dominique Godin, père de M. le curé de Saint-Camille de Crookshire, Jean-Baptiste Godbout, Jean-Baptiste Pinard, Antoine Devin, Onésime Lemay, secrétaire, M. Zoël Miquelon. Les premières institutrices furent Mesdemoiselles Deshôtels, Delphine Robida, Lépine et Elmire Thibaudeau, Sophie Blais, Elmire Grégoire de Kinsey, qui ont enseigné pendant 3 ans. L'arrondissement numéro 1, dont la maison est construite sur la terre de M. Hermann et Gilles Duclos, est la première école établie. Le numéro 2, l'école du village, est la deuxième, et ainsi de suite. L'établissement des maisons d'école suit l'ordre des numéros qui ont été donnés à chaque arrondissement. La plupart des maisons, primitivement construites, étaient en pièces. Deux de ces constructions subsistent encore. Longtemps, trop longtemps, les maisons d'école, leur ameublement et l'enseignement ont laissé beaucoup à désirer. Dans une nouvelle paroisse, tout est à faire en même temps. On cherche toujours à répondre aux besoins les plus urgents. Malheureusement, on ne se préoccupe pas assez de la nécessité d'avoir de bonnes maisons d'éducation. Souvent, toute une génération croupit dans l'ignorance et des habitudes grossières, faute d'instruction. Ce n'est qu'en 1887 que la commission scolaire travaille à construire une maison convenable pour l'école du visage. Je dis « convenable », mais ce qu'il aurait fallu pour répondre aux exigences de l'hygiène et du confort, c'était 2 constructions comme celles qu'on a faites. La paroisse avait besoin d'une salle publique et d'une maison d'école pour 75 enfants. On voulut tout installer dans un bâtiment à 2 étages de 45 pieds par 20, et l'on fut encore à l'étroit. Disons ici que l'homme le plus intimement lié au progrès des écoles, de la voirie et de l'industrie laitière a été M. le docteur Thibault, qui a consacré 18 ans de sa vie aux intérêts les plus chers de la paroisse de Saint-Camille. Les écoles, mon journal. 8 septembre 1903. En mars dernier, messieurs les commissaires demandent à sa grandeur Mgr l'évêque de Sherbrooke l'autorisation de placer l'école du village sous la direction des sœurs. Non seulement il en donna l'autorisation, mais il voulut lui-même transmettre à une communauté de Nicolet le projet et les conditions des commissaires de Saint-Camille. Le conseil de cette institution religieuse accepta immédiatement les conditions. Le contrat fut d'abord rédigé à Saint-Camille, soumis aux sœurs, puis finalement approuvé par nos seigneurs les évêques Larocque et Gravel. Aujourd'hui, 3 sœurs de l'Assomption arrivent de la maison mère de Nicolet pour enseigner à l'école du village. Ce sont sœur Saint-Georges, sœur Sainte-Virginie, sœur Marie de la Providence. Sœur Saint-Georges est supérieure. Elle doit de plus enseigner l'anglais et la musique. Sœur Sainte-Virginie enseigne aux élèves de 5e, 4e et 3e année. Sœur Marie de la Providence a la charge des jeunes enfants de 1re et de 2e année. Nous nous empressons de leur offrir la plus cordiale bienvenue et nous nous réjouissons particulièrement d'avoir en elles un puissant auxiliaire pour la formation de la jeunesse. Leur bonne disposition et l'aménité de leur caractère nous en donnent d'avance une garantie. Une innovation de ce genre devait produire une certaine impression sur l'esprit de la population. Elle fut accueillie avec joie, malgré qu'elle soumettait les pères de famille à une dépense extraordinaire. Les impositions occasionnées par l'installation des sœurs furent loin d'être onéreuses. Le presbytère, construit en 1884, était un peu vieillot en 1903. Aucune réparation n'y avait été faite, mais maintenant, on ne pouvait plus ne pas le réparer. La maçonnerie des fondations était en partie démolie, surtout à l'endroit de la cuisine. Ceci surplombait avec tout un pan du presbytère. Cette maison, de l'avis de M. l'architecte du diocèse de Sherbrooke, était à refaire à si grands frais qu'il valait mieux la démolir totalement et en reconstruire une autre. Au mois de juillet, messieurs les Marguilliers résolurent de faire disparaître le presbytère, de réparer les fondations et d'en ériger un nouveau. L'un d'entre eux proposa à sa grandeur, Mgr l'évêque de Sherbrooke, de le vendre à la commission scolaire pour en faire la résidence des sœurs et la maison d'école du village. Mgr daigna agréer cette proposition et les Marguilliers, au lieu de le démolir, le sacrifièrent pour la somme de 150 piastres. C'est alors que messieurs les commissaires entreprirent de le rouler à au-delà d'un arpent. Il fallut 2 mois et demi pour faire le roulage et les réparations nécessaires pour l'installation des sœurs et des classes. On peut dire que tout arriva à point malgré les difficultés. En se chargeant de nos enfants, Les sœurs n'étaient pas sans avoir d'appréhension au sujet des difficultés à vaincre tout d'abord. Premièrement, nos enfants sont remarquables par leur manque d'application et leur légèreté d'esprit. Deuxièmement, elles inaugurent un système d'enseignement nouveau, l'externat de garçons et de filles. Elles sont sous le contrôle immédiat des commissaires d'école. Elles sont salariées et payées pour l'année scolaire. Troisièmement, elles doivent avoir un logement convenable, meublé spécialement pour la communauté, et rien n'est prêt. Elles vont prendre leur pension chez M. Joseph Geoffroy pendant un mois et demi et commencent les classes dans l'ancienne maison d'école. Voilà autant de pierres d'achoppement pour ébranler leur courage, mais parfaitement résignées à tout, elles ouvrent les classes avec 75 élèves. Au sujet des fonctions et quant au séjour et à l'habitation de ces nouvelles institutrices, tout est réglé. Tous les intéressés, les sœurs, les contribuables, les commissaires, ont la garantie de leurs droits dans un contrat qui permet aux sœurs d'abandonner les classes au terme de chaque année scolaire, et le même contrat autorise les commissaires et les contribuables à congédier les sœurs après chaque année d'enseignement s'ils ont des raisons valables. La majorité des contribuables a voulu des sœurs pour institutrices. Les commissaires d'école ont été unanimes. Les raisons qui ont déterminé les uns et les autres à faire cette démarche sont multiples. Premièrement, jamais les institutrices laïques n'ont donné satisfaction, ou elles ont été trop sévères, ou elles ont été trop bénignes. Dans le premier cas, les enfants se sont plaints de la sévérité et ils se sont abstenus de l'école. Dans le deuxième cas, les parents se sont plaints du manque d'autorité, ils ont retiré les enfants des classes. Mais dans les deux cas, il est évident que ce ne sont ni les parents, ni les institutrices qui faisaient autorité, mais les enfants eux-mêmes, dont la seule ambition était de ne pas fréquenter l'école. Deuxièmement, les religieuses jouissent d'une grande réputation d'institutrices. Elles agissent avec méthode, et leur premier but, c'est de faire du bien à l'enfant. Elles s'adressent à son esprit et à son cœur et mettent de côté les peines corporelles. Elles peuvent être appelées les anges de la terre. Elles sont dociles à la voix du devoir. Elles ont fait le sacrifice des plaisirs et des avantages mondains pour épouser le maître du sacrifice et de la souffrance. Elles sont avant tout religieuses. La plupart des institutrices laïques ont moins d'avantages. D'abord, elles ne sont pas soumises à un règlement qui dicte tout. Elles se font à elles-mêmes leur règlement ou la distribution de leur temps. Elles n'ont point fait le vœu d'obéissance. Elles s'acquittent de leurs tâches pour recevoir un salaire. Elles sont juges elles-mêmes si elles gagnent ou non ce salaire qui ne leur est jamais refusé et qu'elles réclament toujours tout entier. De plus, en devenant institutrices, elles n'ont point fait vœu de chasteté. Le mariage et les fréquentations qui le précèdent sont une occasion de grande distraction pour un grand nombre d'entre elles. Quant aux aptitudes et aux dévouements si nécessaires pour une cause aussi noble que celle de l'éducation et de l'instruction, ils tiennent plus au caractère de la personne qu'à la profession elle-même, et on le trouve tout autant chez les laïcs que chez les religieuses. 1904, septembre. Nos sœurs institutrices pour cette année sont sœur Saint-Georges supérieure, sœur Saint-Basile, sœur Marie de la Foi. Le nombre des élèves est à peu près le même, 75. Les enfants connaissent bien les sœurs maintenant et n'éprouvent aucune révolution intime à se mettre sous la discipline. Ils entrent joyeux à l'école, contents de revoir les sœurs après deux mois de vacances. Ils reprennent l'ouvrage dès le début de l'année avec ardeur et application. Quoi qu'il en soit, ils n'arrivent pas encore à la perfection cette année. Mais notons que les enfants continuent à bien répondre à haute voix aux prières publiques et qu'ils assistent assidûment à la Sainte-Messe. Ils ont de la prévenance et de la politesse. Les leçons entrent encore difficilement et le succès sous ce rapport est lent. Les examens d'hiver et d'été sont médiocres. Cette note est due au manque d'application des enfants. 1905, septembre. Cette année, notre école du village est pourvue de quatre sœurs. Sœur Marie des Neiges, supérieure, sœur Saint-Antoine, qui s'occupe de la tenue de la maison, sœur Saint-Basile et sœur Marie de la Foi, tout entière à l'enseignement. Le nombre d'élèves est à peu près le même. Nous sommes, on peut le dire, entrés dans la voie du progrès. Les notes données par M. l'inspecteur Turcotte sont très encourageantes. les examens subis par les élèves donnent un bon résultat. La municipalité scolaire obtient le deuxième prix, 60 $, du gouvernement pour l'ameublement et la bonne tenue des classes. Et tout le monde est satisfait. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, lu par Christian Martin. La musique est puisée dans le folklore québécois et appartient au domaine public. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt. tiré du Progrès de l'Est, journal de Sherbrooke au Québec, nous nous intéressons aujourd'hui au patronyme Blanchard, que j'ai rencontré 3 fois à ce jour en réalisant la version audio du périodique. La première fois, c'est dans la rubrique « Naissance et décès » de l'édition du 1er septembre 1883. On mentionne l'épouse de M. Victor Blanchard. Décès. À Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, le 19 du courant, est décédée Angélique Nadeau, épouse de M. Victor Blanchard, à l'âge de 28 ans. Les 2 fois suivantes, j'ai rencontré le patronyme Blanchard dans l'édition du 15 septembre 1883. D'abord, dans la missive en provenance de Southbridge, au Massachusetts, dans laquelle on mentionne J.D. Blanchard. Monsieur le rédacteur, soyez assez bon, s'il vous plaît, d'insérer ce qui suit dans les colonnes de votre intéressant journal. Lundi, 3 septembre, avaient lieu les élections du Cercle canadien de Southbridge. Les officiers dont les noms suivent furent élus. Président, Horace Dessel. Vice-président, Anatole Caron. Secrétaire archiviste et correcteur, Charles Giard. Assistant documentaliste, Arthur Marcotte. Trésorier, J.D. Blanchard. Collecteur, Alfred Galipeau. Bibliothécaire, Félix Gatineau. Commun ordonnateur, Ella Robillard. Directeur, Dr. J.A. Robillard. Avant l'ajournement, il a été proposé et adopté à l'unanimité qu'un vote de remerciement soit offert au propriétaire du Courrier de Worcester, de l'Étendard, Montréal, du Jean-Baptiste, Northampton, et de l'Abeille, Lowell, pour l'envoi gratuit de leurs journaux. Charles Giard, secrétaire. Puis, dans la rubrique « Naissance et mariage », dans laquelle est mentionné Frank S. Blanchard. Naissance. À Worcester, Massachusetts, le 11 septembre courant, l'épouse de M. Frank S. Blanchard, une fille. Pour le volet historique, je vous présente 2 articles tirés de l'édition du 1er septembre 1883. D'abord, le reportage d'une ascension en ballon qui a failli très mal se terminer. Il y a eu, mardi le 24 courant, à Royan, une scène comme il n'a pas dû probablement s'en produire depuis qu'on s'occupe d'aérostation. Monsieur Gratien, un aéronaute bien connu, avait gonflé avec de l'air chaud le ballon dans lequel il devait bientôt partir. Mademoiselle Albertine, une héroïne bien connue aussi par ses ascensions, avait pris place dans la nacelle. Monsieur Gratien tenait de la main droite une corde qui était attachée à une de celles servant à retenir le ballon. La rupture des cordes d'attache détermina soudainement le départ du ballon et la ficelle qui se tendit avec la rapidité de l'éclair saisissait comme une sorte de nœud coulant les deux premiers doigts de la main droite de Monsieur Gratien qui fut enlevé à hauteur de 600 mètres. Il essaya en vain de se hisser sur cette corde et de la faire glisser sous son bras. Ses efforts désespérés l'épuisèrent bien vite, il se trouva bientôt suspendu seulement par les deux doigts, au bout d'une corde qui lui déchirait la chair jusqu'à l'os. Dans cette situation, à une hauteur de 300 mètres, M. Gratien a été transporté à une distance de près de 4000. Mademoiselle Albertine, saisie d'horreur à cette vue, s'était évanouie et affaissée au fond de la nacelle. Le ballon ne descendit que lorsque l'air qu'il contenait eut refroidi, et, en rasant la terre, il se heurta avec violence contre des broussailles couvertes d'épines. Les vêtements de Gratien étaient en lambeaux, son corps était littéralement labouré par des blessures profondes. Pendant près d'un demi-mille, il s'était heurté aux ronces et à tous les obstacles du chemin où il a été entraîné. Des paysans arrivèrent et purent couper la corde. Gratien perdait beaucoup de sang par toutes les blessures dont son corps était couvert, et chose étrange à dire, il n'a pas un instant perdu connaissance de ce qui se passait. Il n'a pas reçu de lésions internes, et quoique son état soit des plus graves, on ne désespère pas de le sauver. Après que la corde fut coupée et que le ballon fut allégé du poids du corps de M. Gratien, il s'éleva de nouveau, emportant Mademoiselle Albertine. Par une singulière bonne fortune, il atterrit bientôt dans un marais, et Mademoiselle Albertine put prendre pied sur la terre ferme. Cette aventure tragique l'avait fort émotionnée, néanmoins, elle a été assez heureuse pour s'en retirer sans aucun mal. Le second article narre une altercation sanglante entre Blancs et Autochtones en Alaska. Une dépêche adressée au Times de Winnipeg du 7 août, dans les détails d'une terrible tragédie qui a eu lieu à Dakka, près de Harrisburg, territoire d'Alaska. Deux vendeurs de whisky, Rainey et Martin, avaient de la boisson dans leur cabine. Pendant la nuit, des Indiens forcèrent l'entrée de la cabine de Martin, où Rainey dormait, et volèrent une bouteille de whisky. S'en étant aperçus, nos deux hommes s'élancèrent à la suite des Indiens, et un combat s'ensuivit dans lequel Rainey fut tué. Les citoyens arrêtèrent trois Indiens, les confiant dans une maison de sûreté. Pendant l'absence du gardien, les sauvages se procurèrent un pistolet, firent feu sur lui à son retour et prirent la fuite. Le major Gibbons, éveillé par le bruit de la détonation, s'élança au secours du malheureux gardien, mais une balle l'éteignit. Les sauvages, s'emparant d'une hache, lui tranchèrent la tête en morceaux et essayèrent de fuir, mais un certain nombre de mineurs, attirés par le combat, en tuèrent un sur le coup, arrêtèrent le second et le troisième put s'échapper. Le prisonnier fut immédiatement pendu par la foule furieuse. Le lendemain, sur l'ordre du colonel, le troisième Indien fut immédiatement pendu. Voilà, certes, une scène qui n'était pas sans horreur sur les plages lointaines d'Alaska. Un bain de sang pour une bouteille de whisky. Est-ce là un juste portrait de la violence qui régnait encore en 1883 dans certains coins d'Amérique du Nord? Sans doute une question est creusée. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap. En transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, partiellement via le Miro Guide, partiellement aussi sur Stitcher, et chez Radio H2O à radioh2o.ca, qui par ailleurs diffuse notre émission sur leurs ondes les samedis et dimanches de 17 à 18 heures, heure de l'Est du Canada. Vous nous retrouverez également sur Twitter, à l'Avenir Audio, ainsi que sur Google Plus, sous Christian Martin. Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir-audio.canadablog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incopetech.com et Christian Martin. Et voilà, ainsi se termine cette émission hors série du podcast des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention et à bientôt.